Écoute parole, ça grand monde qui t'y dit. Zame gay confiance et d'alors. Zame gay confiance et d'alors. Si l'in vol bak, son maman y a vol moi. Panal.